Dans cette parole, dans ce passage de l'Évangile si émouvant, nous sentons s'approcher les jours où va s'accomplir le drame de notre salut. Ici, Jésus réalise son septième miracle selon l'Évangile de Saint Jean, le dernier, le plus bouleversant, la résurrection d'un mort, et ce miracle, curieusement, c'est celui-là qui lui vaudra sa condamnation à mort. Au moment où la lumière resplendit, eh bien, les ténèbres s'approfondissent. Alors Jésus dit à Lazare, « Sors de ton tombeau ». Mais avant, il a un dialogue avec Marthe, qui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus dit, il ressuscitera. Et puis elle dit, bien, oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Ce que Marthe dit là, c'est la foi des Juifs. Les Juifs croyaient qu'après la mort, on allait dans un lieu qui s'appelait le Sheol, une espèce de souterrain triste, où on n'était plus que l'ombre de soi-même, et on attendait la fin des temps où Dieu viendrait juger les vivants et les morts en récompensant ceux qui auraient été fidèles à la loi de Dieu et en punissant éternellement ceux qui avaient été rebelles. Il y a quelque chose de ça que connaissons, effectivement nous partageons cette foi dans le jugement dernier, la résurrection, mais il y a quelque chose de capital qui est différent ici. Et Jésus va lui manifester avec une phrase puissante, quelque chose d'inouï au sens étymologique du terme, qu'on n'avait jamais entendu sur la terre. Quelqu'un qui dit « Je suis la résurrection ». Soit c'est un fou, soit c'est un être d'une nature particulière qui peut affirmer cela. Mais il annonce au fond une nouvelle donne. La résurrection, ce n'est plus l'affaire de la fin des temps, mais elle est déjà à l'œuvre dans la personne de Jésus. Mais avant de parler de résurrection, frères et sœurs, pour ressusciter, il faut d'abord avoir été mort. Vous savez, c'est des mots qu'on utilise beaucoup. En ce moment, je fais beaucoup d'interventions dans des écoles secondaires et on parle de Dieu. Alors, je m'amuse avec les jeunes en disant, mais c'est quoi cette affaire-là, Dieu? On passe un long moment à s'entendre sur une idée de Dieu avant d'aller plus loin dans le raisonnement ou la démonstration. Et quand on a compris à peu près un concept de Dieu, eh bien, ça éclaire beaucoup de choses, en fait. Et ça éclaire beaucoup de choses sur notre propre nature, par contraste, par différence. Mais qu'est-ce que la mort? Eh bien, on peut avoir une définition clinique, c'est-à-dire c'est l'arrêt des signes vitaux. Mais il y a une définition spirituelle qui est, sans doute vous le savez, la séparation de l'âme et du corps. Ça nous pose une autre question encore plus délicate. Qu'est-ce que l'âme? Aristote répond que c'est l'acte premier d'un corps organisé, mais je ne pense pas que ça vous avance beaucoup. Alors, disons, pour vulgariser, que c'est l'énergie organisatrice de notre corps. Votre âme, c'est ça qui fait pousser vos cheveux et qui vous fait dire « moi, je pense, moi, je décide ». C'est tout le principe vital de votre être, autant au plan végétatif, sensible, qu'intellectuel et spirituel. Une âme, c'est fait pour, on dit en philosophie, informer un corps, c'est-à-dire lui donner et faire vivre selon sa nature propre. Aristote dit que les carottes ont une âme parce qu'elles sont organisées d'une certaine manière que la graine devient une carotte, pas un concombre. Et nous, on n'est pas des concombres, on a une âme humaine. Et cette âme organise un corps selon la nature humaine et l'anime. Et puis ce corps, à un moment donné, il est usé, il n'en peut plus. Mais l'âme, elle, qui a une cime spirituelle, ne peut pas mourir. Si notre âme n'était pas spirituelle, eh bien, nous ne pourrions même pas utiliser le langage, en fait. Nous serions pure matière, ou nous serions comme des animaux qui fonctionneraient avec l'instinct. On n'aurait pas de conscience morale, on n'aurait pas de liberté, on n'aurait pas de capacité de nous élever au-delà de la particularité de la matière pour utiliser l'universel dans les concepts. Ça va, vous me suivez? Ben, bref, on n'est pas des animaux. Il y a quelque chose en nous d'immatériel et qui ne peut pas être produit par la matière. La matière ne peut pas produire l'esprit. Donc il y a quelque chose qui ne peut pas être détruit en nous, mais que la mort arrache au corps. Cette mort que Dieu n'a pas créée, mais qui est la conséquence du péché. Vous savez, le catéchisme, je le dis souvent, dit qu'on a été créé avec une nature mortelle, mais qui n'était pas destinée à mourir. C'est curieux, non? Alors, j'explique ça aux jeunes, je dis, c'est comme votre ordinateur portable. Si vous le débranchez, vous pouvez travailler encore un petit moment. Si vous ne le rebranchez pas, il est mort. Mais votre ordinateur, s'il reste toujours branché, il est immortel. C'est ça notre nature. On était destiné à dépendre d'une autre source, Dieu, notre Créateur. Et le péché nous a séparés de cette source. Alors, après quelques heures, quelques années, s'il ne se rebranche pas, il est mort. La séparation de l'âme et du corps se produit. Alors Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Mais pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Mais comment Jésus peut mourir? Comme disait un prédicateur, c'est un miracle. Lui qui est la source de la vie immortelle, comment a-t-il fait pour mourir? Eh bien, son âme a été séparée de son corps, son âme humaine, unie au Verbe de Dieu et descendue aux enfers. Et le corps est resté dans le tombeau. Mais le troisième jour, Dieu a fait remonter cette âme pour réanimer le corps. C'est ça aussi la résurrection de Lazare. Son âme avait quitté son corps, son âme immortelle qui devait partir vers son destin, a été réunie à son corps. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est fini cette croyance du Sheol et l'attente d'une date qu'on ne connaît pas, mais c'est maintenant la résurrection. Comme disait ce matin dans une autre messe, Apocalypse now. C'est régler le problème de la mort par Jésus, qui est vie éternelle. Il dit cette chose étonnante un peu plus haut dans l'évangile de Saint Jean. « Celui qui écoute ma parole est passé de la mort à la vie. » Et puis, rappelez-vous ce qu'il a dit à la Samaritaine. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai jaillira en lui comme vie éternelle. » C'est-à-dire que la résurrection, la vie nouvelle, elle nous est déjà donnée par la foi en Jésus-Christ, par le baptême qui nous unit à sa mort et à sa résurrection. C'est ce que nous chanterons dans une préface du temps pascal. Nous sommes déjà ressuscités, mais pour ressusciter, il faut mourir, mais dans un sens analogique. Quand on a été baptisé, évidemment, notre âme ne s'est pas séparée de notre corps. Mais nous sommes morts à une vie ancienne centrée sur nous-mêmes pour entrer dans une vie nouvelle centrée sur celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et vous allez me dire, mais si l'âme est spirituelle, elle est immortelle, on n'a pas besoin de ressusciter. Le problème, c'est que cette vie d'immortalité, elle peut aboutir dans une immortalité séparée de Dieu. ou avec Dieu. Et là, on parle d'un autre type de vie. La vraie vie, qui est l'amour de Dieu, qui a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, c'est à cela que Jésus t'appelle. Quand il dit « Sors de ton tombeau, sors de la mort du péché qui peut t'entraîner dans une mort éternelle, privée de tout bien, de toute lumière, de toute joie, de tout amour, et viens dans mon royaume d'amour et de vie, car par mon sacrifice sur la croix, eh bien, j'ai payé la dette de ton péché, je t'ai rebranché dans la vie éternelle avec mon Père, celle que tu avais perdue, mais qui t'est redonnée par le Saint-Esprit. » Donc, l'eschatologie, c'est maintenant. Alors, pendant ce temps de carême, nous avons parlé de vivre et mourir dans le Christ, parce que dans notre vie, dit saint Paul, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Ce soir, je voudrais vous parler justement de tout ce qui accompagne la fin de la vie chrétienne. La mort, c'est un peu le grand tabou. Aujourd'hui, avant, c'est la sexualité. Maintenant, c'est la mort qui est gênante. L'autre jour, j'avais ma sœur qui est allée, elle me dit, je suis allée à des funérailles d'un ami à Montréal. Je dis, ah bon? Je dis, j'en avais parlé, je pense. Hein? Non, je ne vais pas raconter ça. Elle me dit, je dis, c'était dans une église? Elle dit, non. Ah, je dis, dans un centre funéraire. Elle dit, oui, oui. J'ai dit qu'il y avait une liturgie de la parole. Elle dit, non, il y avait un PowerPoint avec des biscuits et du café. Voilà. Voilà où on est rendu au Québec. Alors que nos ancêtres, qui étaient beaucoup plus pauvres, attendaient la mort comme une nouvelle naissance, comme une libération. Ils avaient des trésors dans le ciel. Maintenant qu'on est devenu un peuple riche, on meurt comme des bêtes. C'est triste. Il y a vraiment aujourd'hui un désarroi devant la mort. C'est gênant. On fait une petite fête, puis on oublie ça parce que d'abord, ça nous renvoie à notre propre finitude. Nous aussi, on va mourir un jour. Quand on n'a pas d'espérance, bien ça devient un tabou, ça devient gênant. Mais non, frères et sœurs, le Christ est ressuscité pour être parmi les morts le premier-né. Et par le baptême, encore une fois, on a allumé une petite bougie le jour de votre baptême pour vous dire que la reconnexion avec Dieu est faite et vous vivez dans la lumière. Et tout le parcours de la vie chrétienne depuis la naissance jusqu'à la mort est comme enveloppé dans le mystère du Christ. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur car il s'est fait l'un de nous, il a vécu et il est mort. En fait, la citation dit « Si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur car si le Christ est mort et ressuscité, c'est pour être le Seigneur et des morts et des vivants. C'est pour être le Seigneur de toute ta vie et de ta mort. Alors, quand tu viendras pour tes funérailles, ton corps sera là. Et puis, nous allons célébrer la Pâque. La Pâque, ton passage. Le dernier chapitre de ta vie baptismale, parce que tu appartiens à Jésus qui est mort pour tes péchés. Et on va écouter la parole de Dieu qui nous donne, qui nous communique cette espérance et cette consolation avec le Saint-Esprit. Et puis, on va encenser ton corps si le cercueil est dans l'Église, parce qu'il a été le temple du Saint-Esprit, et que ce corps, eh bien, c'est sacré. Il est appelé à la résurrection. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de comportements bizarres avec la mort. C'est devenu une norme maintenant, l'incinération, pour les non-croyants. Et puis, on prend les cendres et puis on les jette dans le fleuve Saint-Laurent ou dans une belle forêt, etc. Puis, on se dit, ben, on vient du cosmos, on va retourner au cosmos. C'est ce genre de rite. Il procède d'une vision du monde qui peut-être est héritière du platonisme ou du dualisme. On pense que, ou de la réincarnation. En Asie, dans ce monde oriental, on pense que l'âme préexiste au corps qu'elle a peut-être migré dans des animaux, des êtres. Et puis, dans le bouddhisme, c'est le karma, c'est-à-dire si tu as été gentil, tu vas naître dans une personne plus favorisée, puis tu vas améliorer ton karma par tes actions positives, puis un jour, tu vas aller dans le nirvana, qui est, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que c'est l'être et le néant en même temps. Je ne sais pas comment on comprend ça. Donc, le corps, dans ce modèle-là, n'a aucune valeur. C'est comme votre pain de lait, quand vous avez fini le lait, vous le jetez à la poubelle. Mais pour nous, chrétiens, c'est inacceptable. Dieu a créé une âme unique qui informe un corps unique qui est appelé à la vie éternelle. Il n'y en a pas de réincarnation. S'il y a un passage, Jésus l'a payé, ton passage. Tu n'as pas besoin d'améliorer ton karma. Il t'a arrangé ça, Jésus. Et cette âme et ce corps, ils sont profondément liés. Encore une fois, c'est la mort qui les a déchirés. Ou peut-être cette habitude de jeter les cendres procède aussi d'un certain panthéisme qui est à la mode. Je suis une pixelle du cosmos. Et Dieu, c'est le total de toutes les pixels. Alors, je vais retourner dans le cosmos, puis je ne sais pas ce que ça va donner comme état, là, mais vous voyez, c'est tout des idées religieuses très vagues, très floues, mais qui montrent un vide profond et un égarement. Alors, notre corps, à nous, il est honoré par l'encens. Ensuite, il est enseveli dans la terre, si c'est possible, ou en tout cas avec les cendres, pour continuer symboliquement de nous unir à la mort et à la résurrection de Jésus, pour nous rappeler que nous avons été ensevelis avec lui. Et comme dit Paul, que nous sommes semés dans la terre. Nous sommes semés corruptibles, nous ressusciterons incorruptibles. Nous sommes semés dans l'ignominie, nous ressusciterons dans la gloire. Semés dans la faiblesse, nous ressusciterons dans la puissance. Parce que notre passage est semblable au grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, qui perd sa première forme, mais qui devient ensuite un épi avec 30, 50, 100 fois. Donc, la mort dans le Christ n'est pas le point final, mais la transformation vers une vie supérieure. Mais pour passer à cette vie supérieure, il faut perdre la coque et l'enveloppe de la première vie. C'est vrai pour notre mort et notre résurrection, mais c'est vrai pour notre vie aujourd'hui. Si je veux ressusciter aujourd'hui, il faut que je perde la coque et l'enveloppe de mon individualisme, de mon orgueil, de ma vie centrée sur moi-même, et que je naisse à une vie nouvelle, une vie centrée sur celui qui est mort et ressuscité pour moi et qui me donne déjà les premiers versements de la vie éternelle dans mon âme, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit pour que je vive comme un juste et que je ne sois pas esclave du péché, mais de la justice. Et saint Paul nous a dit dans la deuxième lecture, « Si l'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, alors l'Esprit qui a ressuscité Jésus donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite au milieu de vous. » Donc le corps est enseveli dans la terre d'un cimetière qui a été béni, une terre consacrée parce que notre mort est sacrée, elle appartient au Seigneur. Et c'est dans ce lieu que nous attendons la venue dans la gloire de celui qui transformera nos corps de misère en corps de gloire avec la puissance qui le rend capable de tout transformer. Et vos proches pourront aller dans une tombe, devant une tombe, pour se recueillir, pour vivre leur deuil et pour venir ensuite à l'Église dans l'Eucharistie où ils peuvent être en communion avec ceux qui sont partis. Parce qu'avec les morts, on cherche à communiquer par d'autres longueurs d'onde, mais qui finalement procèdent de la puissance des ténèbres. Ça a toujours fasciné l'homme et la Bible l'interdit formellement parce que ça permet à des puissances occultes d'entrer dans notre vie. Mais nous, la relation avec les morts, qui sont en fait, s'ils sont morts dans le Christ, plus vivants que nous, se fait par l'interface eucharistique. car nous sommes tous membres du corps du Christ d'une manière visible ou invisible. Nous appartenons un peu comme les rayons, vous savez, d'une bicyclette qui se rejoignent tous au centre, qu'on soit dans ce monde ou dans l'autre. Par le baptême, on est tous connectés au même centre vital qui est là présent, Jésus, où est sans cesse renouvelé son sacrifice qui nous a arrachés à la mort éternelle et nous a obtenu la vie, la résurrection et la vie. Et nous venons à la messe que nous disons pour nos morts pour recevoir la consolation du Saint-Esprit et être renouvelés dans l'espérance. Donc vous voyez, frères et sœurs, comment on est des enfants gâtés. Tout dans notre vie, notre mort et au-delà a été comme préparé, a été comme, je dirais même, décoré d'une beauté et d'une lumière et qui nous donne une espérance extraordinaire malgré que la souffrance et la mort nous pèsent encore, malgré que nous connaissions l'angoisse, le Christ lui-même a voulu l'éprouver. Mais il y a quelque chose de plus profond en nous, l'espérance qui ne déçoit point, d'un Dieu qui a pris notre nature et qui a ouvert dans la mort un chemin de vie. Amen.